Autrefois ? Il y a bien longtemps. Vivait au fond de la forêt une famille de bûcherons qui comptait 7 enfants. Oh, elle n'était pas bien riche, cette famille, mais elle vivait. L'aîné des enfants avait 12 ans. Et le plus jeune, qui avait tout juste 6 ans, n'était pas plus haut qu'un pouce. Et c'est la raison pour laquelle on l'avait surnommé le Petit Pousset. À cette époque et dans ce pays, la pauvreté était le lot quotidien des gens qui travaillaient de leurs mains. Et un soir, alors que ses parents se réchauffaient auprès du feu de cheminée, ce qui était leur unique chauffage pour toute la maison, dans la pièce voisine, et que ses 6 frères dormaient à point fermé, le Petit Pousset entendit son père qui disait à sa mère « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Voilà plus de 3 jours que nous n'avons plus rien d'autre à leur donner à manger qu'un croûton de pain et un peu d'eau. Non, cette situation ne peut plus durer. Je ne veux pas les voir mourir de faim sous mes yeux. » Mais alors, que pouvons-nous faire ? J'y réfléchis depuis longtemps, figure-toi. Je ne vois qu'une solution. Demain, alors que nous irons tous travailler en forêt, nous les abandonnons. Il y aura bien une âme charitable pour les recueillir. Les abandonner ? Comment cela ? Abandonner mes enfants ? Tu vois une autre solution ? Tu préfères les voir mourir de faim sous tes yeux ? C'est bien simple. Pendant qu'ils feront des fagots, à mon signal, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. Les pauvres petits vont... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Les pauvres petits marcheront droit devant eux, et je suis bien tranquille. Lorsqu'ils atteindront l'autre bout de la forêt, il y aura bien quelqu'un pour les accueillir et les adopter. Dans le fond, si tu le dis, tu n'as peut-être pas tout à fait tort. Tout bien réfléchi, tu as raison. C'est mieux ainsi. Des larmes plein les yeux. Les 2 parents allèrent se coucher, ne pouvant se résoudre à prononcer un mot de plus. La mère ne ferma pas l'œil de la nuit. Pensez donc abandonner ses enfants. Essayez d'imaginer si vos parents devaient vous abandonner. Et le Petit Pousset, lui, n'avait pas perdu une miette de ce qui s'était dit. Dans la chaleur de sa couverture, il pensa et repensa au plan de ses parents. Il était sur le point de s'endormir lorsqu'il trouva enfin la solution qu'il cherchait. Il se leva dès l'aube et sans réveiller personne, il descendit sur les bords de la rivière. Et là, il emplit plein ses poches de petits cailloux blancs et revint ensuite à la maison. Bon, où étais-tu donc passé encore ? Nous t'attendions, comme d'habitude. Je ne pouvais plus dormir, alors j'étais allée préparer mes outils. Ma serpette demandait à être aiguisée. Ah bon, bon, allez, assieds-toi avec tes frères et mange donc un morceau de pain. La journée va être rude. Tu vas avoir besoin de force, crois-moi. Après ce maigre déjeuner, la famille se mit en marche. D'ordinaire, le Petit Pousset n'était jamais le dernier de la file. Et pourtant, ce jour-là, il insista à plusieurs reprises pour fermer la marche. Ils arrivèrent enfin sur les lieux où ils avaient à couper du bon bois. Vous savez, ce bois dont les gens raffolent pour faire du bon feu de cheminée. Celui qui ne claque pas et brûle doucement en diffusant une douce chaleur. Vous, les enfants, allez par là. Vous ferez des fagots par ici. Pendant que votre mère et moi, nous irons couper du bois un peu plus loin. Et restez bien en groupe, hein. On ne sait jamais. Vous pourriez vous... Mais elle s'arrêta net. Elle allait dire « vous perdre ». Il se souvint soudain que c'était ce qui allait arriver. En chœur, les enfants répondirent sagement « oui, maman ». Les garçons se mirent au travail. Ah, il fallait les voir au travail. Ah, à eux seuls, ils savaient faire des fagots comme personne. D'ailleurs, tous les paysans de la région ne voulaient que les leurs. Vers les 4 heures de l'après-midi, le père, qui avait fini d'abattre son arbre, après bien des efforts, prit sa femme par l'épaule et lui dit à l'oreille « Hélas, Je crois qu'il est temps de mettre notre projet à exécution. Tu crois? Tu es bien sûr de ce que tu fais? Oui, hélas. Il faut nous y résoudre. Alors, éloignons-nous sans bruit. Et c'est ainsi que les parents abandonnèrent leurs enfants au fin fond de la forêt. Eux ne se soucièrent de rien, ils continuèrent à bien ranger leurs petits fagots par paquets. Et bientôt, il y eut un énorme tas de branchages bien alignés au milieu de la clairière. Vers les 5 heures du soir, le plus âgé des frères dit aux autres: « Les parents ont dû oublier l'heure, appelons-les. » Ohé, papa, maman, papa, et maman, vous êtes là? Vous êtes là? Allez, montrez-vous, oh, vous n'êtes pas drôle. » Les plus grands cherchaient aux alentours. Les plus jeunes s'étaient mis à pleurer. Seul le petit Poucet, lui, ne semblait pas inquiet. Mais pourquoi donc? Aide-nous donc à chercher, au lieu de rester là, comme une momie. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps à chercher. Ils sont partis. Comment ça, ils sont partis? Alors, le petit Poucet leur raconta la conversation qu'il avait surprise la veille. Mais alors, nous sommes perdus. Qu'est-ce que nous allons devenir ici, au milieu de cette forêt? J'ai pris mes précautions. Ce matin, au bord de la rivière, j'ai ramassé des centaines de petits cailloux blancs. Et alors que nous marchions, j'en ai semé un tous les 10 mètres. Comme cela, il va nous être facile de retrouver notre chemin jusqu'à la maison. Alors toi, tu es un drôle de petit malin. Et tous se mirent à rire nerveusement. Car ils riaient d'un côté d'avoir un frère si intelligent, mais ils pleuraient intérieurement d'avoir des parents capables de les abandonner, là, en plein bois, à la tombée de la nuit. Allons-y avant qu'il ne fasse complètement nuit. Suivez-moi. Et la joyeuse bande se mit en marche. Il faisait nuit noire depuis longtemps lorsqu'ils arrivèrent enfin devant la modeste maison. Par la petite fenêtre, ils virent leur père qui faisait les 100 pas devant la cheminée. Ils s'approchèrent à pas de loup et ils l'entendirent clairement dire: « Bon sang! Si j'avais su que le seigneur du village nous ferait porter aujourd'hui les 10 écus qu'il nous devait depuis l'année dernière, nous n'aurions pas eu à perdre les enfants. Voilà maintenant que nous avons de quoi vivre pendant plus de 6 mois. » Hélas! Mais où sont-ils maintenant? J'avais bien dit que nous le regretterions. Ah, je sais, je sais. Arrête donc de pleurer. Nous avons pris cette décision ensemble. Et il me semblait hier soir que c'était pour leur bien. Nous ne pouvions tout de même pas les laisser mourir de faim. Tu as sans doute raison. Mais il reste mes enfants. Et j'ai peur pour eux. Seuls dans la forêt avec les loups qui sait, qui rôdent autour d'eux. Ne dis donc pas de bêtises. Il n'y a plus de loups depuis Belle Lurette. Ah, oh, si seulement, si seulement il pouvait se produire un miracle. C'est cet instant que les enfants choisirent pour ouvrir la porte et dire: « Nous avons dû nous perdre. » Oh, chers enfants, le miracle arrive toujours quand on ne s'y attend pas. Vous voilà. Les enfants jouèrent au naïf. Ils firent semblant de faire croire que leurs parents eux-mêmes s'étaient égarés dans les sous-bois. À quoi bon leur faire plus de peine qu'ils n'en avaient? Un moment, nous ne vous avons plus vu. Heureusement que nous avons pu retrouver notre chemin. La mère tomba dans les bras de ses enfants. Oh, quelle bonne soirée ce fut. Rien n'était plus doux que de passer une soirée en famille, au coin du feu. Les mois passèrent et cette joie dura le temps que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans la même situation qu'avant. Chaque jour qui passait, ils mangeaient du pain et buvaient de l'eau. Et un beau soir, les parents durent se résoudre à perdre à nouveau leurs enfants. Mais une fois de plus, et malgré qu'ils parlaient à voix basse, le petit Poucet entendit ce qu'il fallait pas qu'il entende. Cette fois, nous n'avons pas le choix. Mais comment allons-nous nous y prendre? Tu as vu, Poucet est un malin. La dernière fois, ils ont retrouvé leur chemin. Nous les emmènerons bien plus loin encore, là où il n'y a même pas de sentier. Il avait veillé si tard en pensant à la manière de s'y prendre que le lendemain matin, la malchance voulut que le petit pousset se réveilla après tout le monde. Aussi n'eut-il pas le temps de descendre à la rivière pour remplir ses poches de cailloux, comme il avait fait la première fois. Ah, en désespoir de cause et en cachette, il prit un gros morceau de pain dans le buffet et se dit qu'à la place des cailloux, il sèmerait sur le chemin des petites boulettes de pain. La journée se passa comme la première fois. Et lorsque le soir venu, ses autres frères s'inquiétèrent de ne plus trouver leurs parents, le petit pousset se met à rire. « Mais pourquoi est-ce que tu ris, toi? Tu trouves donc ça amusant ?»« As-tu oublié que je suis un petit malin ? Ce matin, j'ai semé des milliers de boulettes de pain derrière nous. Nous allons pouvoir ainsi rentrer à la maison. »« Oh, toi alors ? Et toi, tu m'épates, hein ?» Mais lorsque les enfants se mirent à chercher leur chemin, il n'y avait plus une seule miette de pain. Les oiseaux les avaient toutes mangées. Ils marchèrent donc au hasard. Par comble de malheur, le vent se mit à souffler. Bientôt, un terrible orage s'abattit sur la forêt. À bout de force, ils s'assirent au pied d'un chêne immense. Et tandis que ses frères soufflaient un peu, le petit pousset grimpa tout en haut de l'arbre. Il tourna son regard de tous côtés et aperçut, à quelque distance, une petite lueur. À n'en pas douter, c'était une maison. Ils se mirent en marche et arrivèrent enfin devant la demeure. Ils frappèrent à la porte et une femme vint ouvrir. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Nous sommes de pauvres enfants et nous nous sommes perdus dans la forêt. Pourrions-nous nous coucher chez vous cette nuit? On se fera tout petit, c'est promis. Vous n'y songez pas. Savez-vous bien que cette maison est celle d'un ogre qui mange les petits enfants? Je vous en prie, ma bonne dame, aidez-nous. Peut-être aura-t-il pitié de nous. Un homme a toujours quelque chose de bon en lui. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer. Ils se réchauffèrent un peu près de la cheminée, mais tout à coup, entendant les lourds pas d'un homme qui résonnait devant la porte, elle leur demanda de se cacher immédiatement sous le lit. L'ogre entra. Oh, quelle dure journée! Femme, j'ai une faim de loup. Qu'as-tu fait pour le dîner? Il y a là un mouton et un rôti de sanglier tout entier. L'ogre s'approcha du rôti qui croustillait dans l'âtre et le renifla plusieurs fois. C'est curieux. Ce mouton est cuit, pourtant ça sent la chair fraîche ici. Tu dois te tromper, c'est mon rôti qui sent bon. Et moi je te dis que je sens la chair fraîche. Et en disant ces mots, il se leva de la table et se dirigea tout droit vers le lit. Il eut au fait de découvrir les 7 enfants qui tremblaient de peur. Ah, voilà qu'on voulait me cacher ce bon dîner-là. Ne fais pas ça. Tu devrais les garder pour demain. N'oublie pas que j'ai préparé pour toi tout un mouton qui n'attend plus que d'être mangé. Oh oui, tu as raison, femme. Donne-leur donc un bon souper afin qu'ils soient bien dodus. Et puis on les gardera à coucher. Puis, je m'occuperai d'eux dès demain pour le déjeuner. L'ogre se mit à table, but plus que de raison. Quant à la femme de l'ogre, elle fit dîner les enfants et les mena dans la chambre du haut. Vous n'avez qu'à vous coucher dans ce grand lit. Vous y serez bien. Tenez, mettez donc ces bonnets de coton sur vos têtes. Les nuits sont fraîches par ici. Le petit pousset était très intrigué car dans la chambre où la bonne femme les avait conduits, il y avait un lit en tout point semblable. Et dans ce lit-là dormaient les 7 filles de l'ogre. Elles étaient toutes mignonnes et chacune d'elles portait dessus sa tête une petite couronne d'or. Les 7 garçons se couchèrent donc dans le lit voisin et tous sombrèrent dans le plus profond des sommeils, exception du petit pousset qui, selon ses habitudes, réfléchissait à la situation, il lui vint un pressentiment. Et si l'ogre se réveillait cette nuit et, ayant faim, se décidait à manger les enfants tout de suite? Sans faire craquer le lit, il se leva doucement et, prenant les bonnets de nuit de ses frères, il les intervertit avec les couronnes des filles de l'ogre. Et ainsi, dans la pénombre de la pièce, on pouvait croire que les sept frères étaient les filles et les sept filles les sept frères. Le petit Pousset avait vu juste, car lorsque les 12 coups de minuit sonnèrent, l'ogre se réveilla en sursaut, la faim lui tenaillait le ventre. Il tira son grand couteau de dessous son oreiller et, sans allumer de chandelle, monta à tâtons l'escalier jusqu'à la chambre où dormaient tous les enfants. À l'aide de sa main gauche, l'ogre tâtonnait dans le noir sur les têtes. Il sentit sous ses doigts du métal. Ah non, je reconnais leur couronne. Ça, ce sont mes filles. Ma femme a dû donner des bonnets de coton à ces sept garçons. Ah, les voilà. Et comme il avait un peu trop bu et qu'il était encore endormi, l'ogre trancha la gorge de ses sept filles et en mangea quatre sur le champ. Satisfait de son œuvre, il redescendit se coucher. Et bientôt la maison résonna de ces terribles ronflements. Le petit Pousset réveilla promptement ses frères. Vite, ne posez pas de questions. Habillez-vous et partons. Ayant sauté par la fenêtre, ils s'enfuirent aussi vite que leurs jambes leur permirent. Au petit matin, l'ogre s'éveilla et ne tarda pas à s'apercevoir de son erreur. Il hurla. Il appela sa femme. « Donne-moi mes bottes de sept lieues. Il faut que je rattrape ces garnements. Ils se sont joués de moi. » Et, laissant sa femme à son chagrin, il se mit à courir dans la campagne avec ses bottes magiques qui lui faisaient parcourir plus d'un kilomètre en un seul pas. Il courait, mais ne trouvait pas les garçons. Et au bout de 2 heures, il s'assied au bord d'un arbre. Il avait emporté avec lui une bouteille de son alcool préféré, car en ce temps-là, on ne conduisait pas encore de voiture. Et il s'endormit pour de bon. Le hasard voulut que le petit Pousset et ses frères furent à quelques pas de là. Ils s'approchèrent de l'ogre qui ronflait déjà. Que comptes-tu faire? J'ai une idée. Aidez-moi. Nous allons lui ôter ses bottes et je les mettrai. Bon, ben, comme tu voudras. Et s'il se réveille? S'il se réveille, il n'aura plus ses bottes et il ne pourra plus courir. Ainsi fut fait. Délicatement, les sept frères tirèrent sur les bottes et lorsque le petit Pousset sauta tout entier dedans, les bottes, qui étaient magiques, rapetissèrent et se mirent à sa taille. En sautant avec les bottes, j'ai pu apercevoir la maison de nos chers parents. Marcher par là pendant 3 kilomètres et tourner à gauche. Dans moins d'une heure, nous y serons. Hé, hey, toi, où vas-tu? Ne vous inquiétez pas. Avant ce soir, notre fortune sera faite.